إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 107 dans l'explication du Kitab al-Tawhid. Et on est rendu au chapitre 39. Et on explique aujourd'hui le verset que le Cheikh mentionne au début de ce chapitre, c'est le verset 60 dans Surat al-Nisa. Le Cheikh al-Fawzan il explique en disant « ثم ذكر الآيات » وهي قول الله تعالى ألم ترى هذا تعجب واستنكار تعجب استنكار ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت هل يتفق هذا مع دعوة الإيمان لا يتفق لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكفر ولا يمكن هذا فالمؤمن بالله وبرسوله يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما الذي يدعي الإيمان ولكنه في الحكم لا يرجع إلى الله ولا إلى رسوله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمؤمن ولهذا قال يزعمون والزعم هو أكذب الحديث وهذا يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان والدليل على كذبهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولو كان إيمانهم صادقا لم يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le chef explique, il dit que parmi les versets que le chef a mentionné dans ce chapitre, c'est le verset, comme on a dit, 60 dans Surat al-Nisa. Et ce verset-là, il commence, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset au début, « Alam tara ». Et qu'est-ce que ça signifie si tu traduis littéralement « Alam tara »,« N'as-tu pas vu ?» Ok, c'est ça que ça veut dire, « N'as-tu pas vu ?» Mais en réalité, comme le cheikh l'explique, c'est « Ta'ajjub ustinkar ». C'est comme une forme d'étonnement dans le but de dénoncer quelque chose, ou dans le but de montrer que quelque chose est mauvais. Hein? Donc « Alam tara »,« N'as-tu pas vu ?» Hein? Une forme d'étonnement, hein. C'est comme des fois quand tu parles à quelqu'un, t'as pas vu, qu'est-ce qui, hein. Donc c'est dans ce sens-là. Alam tara, ila alladhina yaz'umun. N'as-tu pas vu à ceux qui prétendent qu'ils ont cru en ce qui a été révélé sur toi, ô Muhammad. Et en ce qui a été révélé sur ceux avant toi, hein, ce qui a été révélé aux prophètes qui étaient là avant toi, ils veulent prendre pour juge le tarot. Ils veulent prendre pour référence dans leur jugement le tarot. Le ta'arud, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tout ce qui est obéi lorsqu'il est opposé à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, est-ce que le fait de faire ça, de vouloir prendre le ta'arud comme un juge, est-ce que ça c'est en accord avec la foi et avec la prétention d'avoir la foi? Le cheikh il dit non, c'est pas en accord avec ça, c'est pas en accord avec la foi. Parce qu'ils veulent réunir entre deux choses qui s'opposent. Ils veulent réunir entre la foi et la mécréance en même temps. Hein? Ils veulent réunir entre la prétention de la foi et le fait de prendre le tarot comme juge. Et le cheikh il dit, « La yumkinu hadha » ça c'est pas possible de faire ça. le vrai croyant, celui qui croit en Allah et en son messager, il prend comme juge le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, celui qui prétend avoir la foi, hein, mais qui, au lieu de retourner au Coran et à la sunna, retourne, ne retourne pas au Coran et à la sunna, ne retourne pas à Allah et au messager, alors dans ce cas-là, celui-là, il n'est pas un croyant, même s'il prétend être un croyant. Il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le verbe yaz'umun. Et en arabe, yaz'umun, ça veut dire une parole mensongère, ou quelque chose que tu prétends, mais qui n'est pas réel, hein. Donc, yaz'umun. Naam. Par akzab al-hadith. Et c'est comme si tu dis, yaz'um. Il prétend, il fait une affirmation sans aucun fondement, sans aucune réalité dedans, il y a un mensonge. Et ça, la preuve de ça, c'est que, yani, ils veulent, la preuve de leur mensonge, c'est qu'ils veulent juger selon le Tarout. Et s'ils avaient vraiment la foi, ils n'auraient pas pris comme juge excepté le Coran et la Sunna. فدل هذا على أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد الإرادة يتنافى مع الإيمان. فكيف إذا فعل؟ كيف إذا تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان من نوى بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمن، فكيف بمن نفذ هذا وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أموره كلها أو في بعضها؟ الشيخ الزي، ça c'est la preuve que celui qui veut prendre comme juge autre que le Coran et la Sunna, et le Cheikh il spécifie et il mentionne il mentionne plus précisément, il fait comme une sorte de note en disant et مجرد الإرادة c'est-à-dire non seulement de le prendre comme juge, hein, c'est pas, même si tu n'as pas encore fait ça, tu n'as pas encore fait le geste ou l'acte, juste de le vouloir, hein, simplement de vouloir prendre comme juge autre que Allah et son messager, déjà ça, le cheikh dit que c'est en désaccord avec la foi, c'est en opposition avec la foi. Alors que dire de celui qui le fait, hein? Que dire de celui qui le fait? C'est-à-dire, celui qui le veut seulement, il a seulement l'intention de le faire, la volonté de le faire, hein. Alors, que dire de celui qui le fait si c'est ça son cas? Donc celui qui a pris comme juge autre que le Coran et la Sunna. Oui. Celui qui a pris comme juge autre que le Coran et la Sunna, et qu'il a eu cette intention-là dans son cœur et qu'il l'a rendu licite et permis, même s'il ne l'a pas fait, s'il n'a pas jugé par autre que par Allah et son messager, il n'a pas jugé par le Tarout, il a juste eu l'intention de le faire dans son cœur et il l'a rendu permis, il a cru que c'était mubah de le faire, alors il n'est pas croyant. Alors que dire de celui qui l'a exécuté et implémenté ce jugement-là? Et qui a pris comme juge autre que le Coran et la Sunna de son messager dans toutes ses affaires ou dans certaines de ses affaires. Donc ça, mubah, ça veut dire permis, hein, licite. Quand tu dis halal, ça veut dire que c'est permis. Quand tu dis mubah, c'est permis aussi. Sauf que la différence entre les deux, là, il n'y a presque pas de différence. Mubah, ça veut dire c'est ça. Si tu le fais, t'es pas récompensé. Puis si tu le fais pas, t'es pas puni, hein. Mais en même temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est qui a pas d'interdiction à ce sujet. C'est mubah, yani. Y a pas. Oui, c'est ça. Tu as le choix entre deux choses, mais deux sont permis, comme venir en voiture ou venir en vélo, par exemple, hein. Ou bien boire de l'eau. C'est mubah. Il n'y a pas de. Sauf si c'est le jour du Ramadan et que tu n'as pas d'excuse, là ça devient. Boire de l'eau, ça devient haram dans ce cas-là. Hein? Mais en temps normal, boire de l'eau, c'est halal. en fait on dit que c'est moubah parce qu'il n'y a rien de haram dedans. Ouais, il rend ça halal, il a l'intention de le faire puis il croit que c'est permis, même s'il ne l'a pas fait, il a juste eu l'intention dans son cœur, il n'est pas croyant, le cheikh Fawzan il dit ça. Donc le cheikh dit fadal la hada, donc ça prouve que c'est pas juste de le faire qui fait que tu n'es pas un croyant, même de le vouloir, parce que Allah il le mentionne dans le verset, yuriduna an yatahakamu, Allah il dit dans le Coran, ils veulent prendre pour juge le paro. Même s'ils ne l'ont pas fait, juste le fait de le vouloir le faire, ou d'avoir l'intention de le faire et de croire que c'est permis, ça fait que tu n'es pas un croyant. قوله آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو الكتب السابقة لأن الإيمان بالكتب كلها هو أحد أركان الإيمان الستة والإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله يجب الإيمان بها سمى الله منها ما سمى الله منها وما لم يسمي أما الذي يؤمن بكتاب ويكفر بالكتب الأخرى فهذا كافر بالجميع فاليهود إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم فالذي يقول لا نؤمن إلا بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقط أما الكتاب الذي نزل على غير رسولنا فلا نؤمن به فهذا كافر بالكتاب الذي نزل على رسوله لأن الكتب مصدرها واحد ويصدق بعضها يصدق بعضها بعضا كل وكلها من الله سبحانه وتعالى والرسل إخوة كلهم عليهم الصلاة والسلام إخوة دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غيره أو يؤمن بالكتب إلا واحدا منهم أو يؤمن بالرسل ويكفر ببعض فهذا كافر بالجميع. Le cheikh il explique un point ici, il dit que ceux qui prétendent, la suite du verset, il clarifie la suite du verset, qui prétendent croire en ce qui est révélé sur toi, c'est-à-dire le Coran, et ce qui est révélé avant toi, c'est-à-dire les autres livres qui ont été révélés avant le Coran. Et le cheikh il dit que parce que la foi en les livres, c'est un des piliers de la foi. De croire en les livres que Allah a révélés, ça fait partie des piliers de la foi. Et il faut croire en tous les livres, ça fait partie des six piliers de la foi. Donc, de croire aux livres que Allah a révélés à ses messagers, c'est obligatoire. Et il faut croire non seulement aux livres que Allah a mentionné, mais il faut également croire aux livres que Allah n'a pas mentionné dans sa révélation de façon spécifique. Le cheikh il dit, en ce qui concerne celui qui croit uniquement à un livre et qui rejette les autres livres, alors c'est comme s'il aurait rejeté tous les livres. Celui qui dit je crois juste en un livre parmi les livres que Allah a révélés, mais je ne crois pas aux autres livres que Allah a révélés, c'est comme s'il a mécru en tous les livres que Allah a révélés. Donc par exemple, si on dit aux juifs, crois en ce que Allah a révélé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 91, dans surat al-Baqarah, eux ils répondent quand on leur dit crois en ce que Allah a révélé, c'est-à-dire crois au Coran, eux ils répondent, on croit uniquement en ce qui a été révélé à nous, et on rejette, et ils rejettent ce qui a été révélé par la suite, alors que c'est la vérité qui confirme ce qu'ils ont reçu eux-mêmes auparavant. Donc, ça c'est l'attitude des Juifs. Une fois, je me souviens, près de chez moi, il y avait des Juifs, ils m'ont demandé de m'asseoir avec eux pour discuter, ils voulaient me poser quelques questions sur l'islam. Et on a commencé à discuter avec eux, j'ai commencé à discuter avec eux. Et ils m'ont demandé des questions sur l'islam, donc je leur ai expliqué. Ils m'ont dit à qui ça appartient la Palestine. Est-ce que ça appartient aux juifs ou aux musulmans? J'ai dit ça appartient aux musulmans. Alors ils ont dit oui, mais c'est qui est-ce qui l'a fabriqué ou construit Bayt al-Aqsa? Je dis qui l'a construit en premier, c'était Yaqub et ensuite c'est Sulayman qui l'a reconstruit. Et il dit ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que, comme si c'était nos prophètes qui l'ont construit, donc vous devriez dire que ça nous appartient à nous et non pas à vous. Comment vous pouvez dire ça? Et là, je lui expliquais que les prophètes d'Allah, tous les messagers qui viennent d'Allah, sont nos prophètes. Que ce soit Jacob, que ce soit Moïse, que ce soit Suleyman, que ce soit tous les autres prophètes, ce sont nos prophètes. Les prophètes d'Allah. Et ce sont pour nous des musulmans. Hein? Donc après ça, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, oh, ben, dans ce cas-là, nous, il dit c'est quoi l'islam dans ce cas-là? J'ai dit l'islam, c'est de croire un Dieu unique, et de n'adorer que lui, de ne rien lui associer. Il dit ben dans ce cas-là, nous on est musulmans, parce que nous on n'associe rien avec Allah, puis on adore lui seul. Il dit oui, mais il faut croire aussi en tous les messagers, en tous les prophètes et en tous les livres qu'Allah a révélés. Et donc vous n'êtes pas musulmans, parce que vous avez rejeté Jésus, vous avez rejeté Moïse, et vous, pardon, vous avez rejeté Jésus, vous avez rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous avez rejeté l'Injil et le Coran. Donc là, ils m'ont dit, mais comment ça se fait, hein? Là, j'ai dit, regardez, si par exemple, vous vous dites que vous êtes juif, mais vous croyez pas en Moïse, est-ce que vous allez quand même dire que vous êtes juif? Il dit, non, c'est sûr qu'on va pas être juif. Il dit, si vous dites par exemple, on est juif mais on ne croit pas à la Torah, est-ce que vous allez la considérer comme étant des vrais juifs? Ils ont dit non, on ne peut pas considérer ça. Ils disent mais c'est la même chose, si vous dites par exemple que vous êtes musulman mais vous ne croyez pas en Moïse ou en Jésus ou en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou en la Torah ou en l'Injil ou en n'importe quel autre des livres qu'Allah a révélé, dans ce cas-là vous ne pouvez pas être musulman, il faut croire en tout ce qu'Allah a révélé. Et là par la suite ils ont compris, tu vois. Et donc, pourquoi? Parce que, comme le cheikh il dit, celui qui dit on croit juste en le livre qui a été révélé sur nous seulement, et les autres livres qui sont révélés sur d'autres que notre prophète, on n'y croit pas. Le cheikh il dit ça, c'est celui qui est mécréant en le livre qui est révélé sur lui et les autres livres également. Celui qui croit, par exemple, le juif qui dit moi je ne crois pas au Coran, il ne croit pas à la Torah non plus. Parce que s'il croyait réellement à la Torah, il devait croire hein, le Coran. Et s'il dit par exemple, le chrétien dit je crois en l'Injil mais je ne crois pas en le Coran, il ne croit pas en l'Injil, il ne croit pas en la Torah non plus. Bien sûr, toutes leurs pratiques et leurs croyances sont vaines, même si ils sont soi-disant très fervents dans leurs croyances et dans leurs pratiques religieuses de leur côté. Ce n'est pas accepté dans l'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils n'ont pas accepté tous les livres et toutes les révélations qui leur sont révélées de la part de leurs messagers et des autres messagers qui sont venus après. Donc, le cheikh il dit, pourquoi? Parce que tous les livres sont d'une même source, hein, c'est-à-dire ils viennent tous du même Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala le Créateur, et ils se confirment tous, ils se supportent tous les uns les autres, tous les livres se confirment les uns les autres, donc tu peux pas en nier un sans nier les autres, hein. Parce qu'ils sont tous venus se confirmer les uns les autres. Non. Ceux qui disent ça à propos de Bouddha, ceux qui disent, ouais, comme les Ahmadiyya et d'autres, qui prétendent que Bouddha c'est peut-être un prophète, ils n'ont aucune preuve de ça. Et ils ne font que mettre des conjectures à ce sujet-là, parce que quand tu étudies le bouddhisme et quand tu regardes le bouddhisme, il n'y a aucune notion de Dieu dans leur religion. Donc, tu vois que les fondements de leur religion, ça, les enseignements de leur religion n'ont rien à voir avec l'enseignement des prophètes. Et il n'y a pas la notion de tawhid dans leur enseignement, même si, soi-disant, à l'origine, Bouddha c'était un hindou, un prince hindou qui aurait, soi-disant, rejeté l'adoration des idoles, mais il aurait rejeté l'adoration des idoles pourquoi en échange? Pour le tawhid? Non. Parce que déjà, ils ne parlent même pas d'un créateur ou d'un dieu, ils ne croient même pas qu'il y a un créateur qui a créé le monde. Pour eux, la matière, elle est éternelle, et tout se transforme, hein, et la matière est infinie pour eux. En fait, c'est un petit peu… Et ils croient à la réincarnation, au nirvana, et à tous ces trucs-là, qui n'ont rien à voir avec la foi que les messagers d'Allah ont enseigné à l'humanité. D'accord? Donc, ceux qui prétendent ça, ils n'ont aucune preuve pour dire une chose pareille. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il a envoyé à chaque nation un prophète et un messager pour dire aux gens adorez Allah et écartez-vous du tagout. Donc, il y en a des prophètes qui ont été envoyés à d'autres peuples, qui ont reçu des livres, mais dont on n'a aucune connaissance, et dont Allah ne nous a rien mentionné à leur sujet dans les livres, et la connaissance à leur sujet a été oubliée. Donc, ouais. Bah, je sais pas. Si, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça souvent. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça à propos des dinosaures. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non, il n'y a pas de problème. Wa alaykoum salam haranaz. Il y a beaucoup de gens qui disent qui parlent des dinosaures. Et il n'y a pas d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer des dinosaures s'il veut. Et de les détruire s'il veut. Mais, ça n'a rien à voir, ça ne change rien, ou ça n'augmente rien, ou ça n'enlève rien à nos principes ou à nos croyances. Allah, s'il y a des eaux qui ont été retrouvées dans la terre et tout, c'est Allah qui crée qu'est-ce qu'il veut. Et il est capable de créer plus que ça. Hein? Donc, Allahu a'lam. يخلق ما يشاء. Il crée ce qu'il veut. Naam. D'accord. Donc, comme on disait, tous les livres viennent du même Dieu. Hein? Ils viennent tous d'Allah. Et tous les messagers d'Allah sont des frères, les uns les autres. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les messagers d'Allah sont les frères d'un même, c'est quoi le nom? Ikhwatun min allat. C'est comme s'ils sont des frères qui viennent de mères différentes. Dans le sens que, c'est des messagers qui sont tous envoyés par Allah, mais qui ont amené des lois et des règles parfois qui sont différentes. Chacun a amené une charia différente. Mais le message de base, c'est le même. C'est la ilaha illallah. D'accord? Barakallahu fi. Moi, qu'est-ce que j'ai lu quand on a lu les explications des ulama au sujet de ce hadith? Ils disaient que le fait qu'ils viennent de mères différentes, dans le sens qu'ils ont des charias différentes, mais que leur message fondamental c'est le même, et ils sont tous envoyés par le même créateur. D'accord? Donc, ça c'est qu'est-ce que j'ai appris, mais Wallahu a'lam. Hein? Après le chef, qu'est-ce qu'il dit? Donc, leur da'wah c'est une seule et même da'wah, leur manhaj c'est un seul et même manhaj. Hein? Et je me souviens, avant l'islam, pour les chrétiens, c'est quelque chose qu'ils comprennent pas, souvent c'est quelque chose qu'ils comprennent pas par rapport au fait que les messagers, ils sont tous venus avec la même religion, tous les messagers de Dieu. Ça, pour les chrétiens, ça rentre pas dans leur tête, parce que justement leur conception ou leur compréhension de la religion est complètement à l'envers. Donc pour eux, chaque prophète a amené une religion différente. Ils croient que Moïse a amené une religion différente, que Jésus a amené une religion différente. Et donc, ça amène des contradictions. Comme par exemple, je me souviens quand des chrétiens parlaient souvent, des fois on était avec quand des cours d'enseignement religieux. Et le professeur d'enseignement religieux, il disait: le Dieu de Moïse, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du judaïsme, c'est un Dieu cruel, c'est un Dieu sans pitié, c'est un Dieu de vengeance. Mais le Dieu de Jésus, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Donc moi j'ai dit au professeur, j'ai dit, mais comment ça se fait, vous faites une distinction entre le Dieu de Moïse et le Dieu de Jésus, alors que les deux adoraient le même Dieu, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est qu'ils prennent certains attributs, hein? Les Juifs, ils se concentrent sur certains attributs de Dieu, et les chrétiens, eux, ils se concentrent sur d'autres attributs de Dieu, et ils essaient de mettre l'emphase ou, disons, la concentration sur certains attributs en dehors de certains autres. Et ça crée en fait des, comme s'ils étaient en train d'adorer deux dieux différents, alors que c'est le seul, un seul et même Dieu. Hein? Donc ça c'est un exemple de leur contradiction à ce sujet-là. Le cheikh il dit ensuite, et leur manhaj est un seul manhaj, et donc celui qui croit à un livre et qui rejette les autres, ou bien qu'il croit en un livre, au livre excepté en un, comme si tu dis par exemple, je crois en tous les livres de Dieu excepté la Torah, eh ben, ou bien, t'es pas croyant dans ce cas-là, ou bien qu'il croit en tous les messagers, mais qui croit en certains messagers et qui rejette certains, ça c'est comme s'il a rejeté tous les messagers. ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم ولكن لما كفروا برسولهم صاروا مكذبين للمرسلين جميعا لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد ومنهجهم واحد هم إخوة يجب الإيمان بهم جميعا عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد ومنهجهم واحد وهم إخوة يجب الإيمان بهم جميعا donc le cheikh explique, il dit regardez par exemple dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'exemple dans sourate Al-Shu'ara le verset 105. Il dit, le peuple de Noé a renié les messagers, ou les envoyés. Il dit dans le verset 123 dans Surat al-Shu'ara, que Ad, le peuple de Ad, a rejeté les messagers. Et dans le verset 141, il dit que Thamoud a rejeté les messagers, ou a renié les messagers. Alors qu'en réalité, ces peuples-là, le peuple de Nour, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud et le peuple de Lout, ils n'ont rejeté que leurs messagers respectifs. Ils n'ont pas rejeté chacun des messagers de Dieu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ça, il dit ils ont rejeté les messagers. Donc ça veut dire que le fait d'en rejeter un, c'est équivalent à les rejeter tous. Hein? Et donc il y a une preuve de ça dans ces versets-là. Qu'ils ont rejeté par exemple leur prophète à eux et Allah a généralisé pour tous les messagers et ça c'est la preuve que si tu en nies un, tu renies les autres en même temps parce qu'ils viennent tous du même Dieu hein? Et leur religion est une seule et même religion et leur manhaj est un seul et même manhaj et ils sont tous des frères et il est obligatoire de croire en tous ces prophètes et tous ces messagers. Ensuite, le cheikh continue dans l'explication de ce verset. Il dit وقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ادعوا هذا ولكن لما جاء التنفيذ اختلف الفعل عن القول وتبينت حقيقتهم Donc le cheikh il dit, il prétend qu'il croit en ce qui a été révélé sur toi, ô Muhammad, et il prétend croire en ce qui a été révélé avant toi, et ça c'est seulement une prétention. Mais lorsque le moment de l'application est arrivé, le moment de l'exécution du verdict est arrivé à ce moment-là, on a vu qu'il y avait une différence entre ce qu'ils prétendaient et ce qu'ils ont appliqué ou ce qu'ils ont fait comme action. Il y avait une contradiction entre leurs paroles et leurs actions à ce moment-là, et on a réalisé par la suite que leur réalité était contraire à ce qu'ils prétendaient. D'accord ? يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Ils veulent prendre pour juge le طاغوت. مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال الشيخ الإمام ابن القيم الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله ومن ادعى علم الغيب. Donc le cheikh il dit ils veulent prendre pour juge le tarot, et le tarot ça vient du mot tourian et c'est de dépasser la limite de quelque chose. At-Turyan. Ça vient de At-Turyan et ça veut dire de dépasser la limite. Et il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'on a mentionné dans plusieurs cours déjà, qui mentionne que les tawarit, le mot tawarit, ça veut dire de dépasser le serviteur qui dépasse sa limite. Hein? Tout serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou toute chose qui dépasse sa limite, que ce soit dans l'adoration, quelque chose qui dépasse sa limite et que les gens adorent en dehors d'Allah, ou bien que les gens suivent dans ce qui est opposé, alors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le péché, ou bien qu'ils obéissent dans le péché. Donc, min matbour, ma'boud, matbour, et muta, dans l'adoration, dans le fait de le suivre et dans le fait de l'obéir dans le péché. D'accord? Et le cheikh dit, wat-tawarit kathirun. Les tawarit, ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Vous savez, le mot tawarit, c'est le pluriel de tarot. Et ils sont nombreux. Le cheikh il dit que les plus importants sont de cinq catégories. Le premier, c'est Iblis, c'est le diable, le shaitan, la'anahullah. Parce que c'est lui qui est à la tête de tout le reste. C'est lui qui appelle les hommes à transgresser la limite. Et qui les appelle au kufr, et qui les appelle au shirk, et qui les appelle à tous les autres péchés. Donc c'est le chef, le premier de toutes les catégories. C'est-à-dire, tu veux savoir, le chef il explique que les tawarit, sont de cinq catégories. Et à la tête de ces cinq catégories-là, le premier c'est le diable, Iblis, le shaitan, parce que c'est lui qui est à la base de tous les autres formes d'égarement, que ce soit le shirk ou le kufr ou les péchés, c'est lui, le diable, qui incite tout le monde à ces péchés-là. Donc c'est lui là, à la tête, c'est lui le premier des tawarit. Et le deuxième que le shirk mentionne, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de se faire adorer. Donc des fois vous avez par exemple des êtres qui appellent les autres à, qui appellent les hommes à les adorer. Ils demandent aux hommes de les adorer, parmi des gens d'égarement. Et il y en a d'autres, ils se font adorer par les gens, mais eux ils ne sont pas satisfaits de ça. Au contraire, ils sont contre. Comme par exemple Isa alayhi salam, Jésus. Il y a des gens qui l'ont adoré, lui il n'a pas agréé ça, il n'est pas satisfait de ça, il n'a pas accepté ça. Ou bien Ali ibn Abi Talib, qui est adoré par les Shias, et lui il n'est pas d'accord avec ça. Ou beaucoup d'autres parmi les gens qui sont adorés par des êtres humains, et eux-mêmes n'ont jamais demandé ça, ils n'ont jamais cherché ça, mais des gens l'ont fait, et ils les ont pris comme des idoles en dehors d'Allah, sans leur agrément. Donc eux ne sont pas considérés comme des tawarit. Mais ceux qui se font adorer, qui sont satisfaits, eux font partie des catégories de tawarit. Et celui qui appelle les hommes à l'adorer, celui qui appelle les gens, qui dit « adorez-moi », lui c'est certain qu'il l'a agréé, qu'il est d'accord. Oui, c'est le troisième catégorie, parce que s'il n'acceptait pas ça, il n'aurait pas demandé aux gens de le faire. Comme Pharaon par exemple, qui disait aux gens « adorez-moi », des trucs de ce genre. Ouais, certaines… Ouais, ouais, il y a des gens comme ça. Oui, c'est ça. Oui, il y en a de cette catégorie-là. Ensuite, le cheikh il dit quiconque juge selon ce que quiconque juge par autre que la révélation d'Allah. Quiconque juge par autre que la révélation d'Allah, il fait partie des tawarit. Et la, ça c'est la catégorie numéro 4. Et la dernière catégorie, quiconque prétend connaître avoir une connaissance de l'invisible. Quiconque prétend avoir une connaissance de l'invisible, il fait partie des tawarit. Comme les gens qui se disent médium ou voyant ou yani, devin ou autre chose. Le cheikh il dit هؤلاء رؤوس التواريت ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله الذي هو موضوع هذا الباب وهم الذين يحكمون ويتحكمون بغير ما أنزل بغير شريعة الله من القوانين والأنظمة والعادات والتقاليد وأمور الجاهلية القبلية، لأن هناك قوانين وضعية وضعها البشر، وهناك عادات وتقاليد في المجتمعات يمشي بعض الناس عليها، وهناك أعراف جاهلية بين القبائل يسمونها السلوم، وشيوخ القبائل العوارف، كل قبيلة لها عارفة يحكم بينهم، إما كاهن وإما ساحر وإما رجل عادي، وهذا كله منبوذ وكله مطروح بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من حكم بغير كتاب الله وسنة رسوله مستحلا لذلك فإنه طاغوت يجب الكفر به، ولهذا قال وقد أمروا أن يكفروا به. Le cheikh il explique que la tête donc des tawahid, et de, il y en a cinq têtes ou cinq points par catégorie principale de tawahid qu'on a mentionné. Le cinquième c'était celui qui prétend savoir l'inconnu ou l'invisible ou l'avenir. Et parmi eux donc il y a celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, et c'est le sujet dont on parle dans ce chapitre. Et ce sont ceux qui jugent ou qui prennent pour juge autre que la révélation et la charia d'Allah parmi les constitutions et les systèmes ou les lois ou bien les adat, c'est-à-dire les traditions, les coutumes et les affaires qui ont rapport avec les traditions des tribus de la, dans la jahiliya. Et donc, il faut donc comprendre que quand on parle de juger par autre que la loi d'Allah, ça ne veut pas juste dire que de prendre des lois faites par les hommes, comme les lois occidentales, et de les appliquer dans les pays musulmans, mais ça implique toute coutume, tradition, ou loi, ou autre chose qui est contraire à la révélation d'Allah. Donc s'il y a des gens, par exemple, qui sont dans un pays musulman, qui vivent dans un petit village, ou qui vivent dans le désert, qui sont des bédouins ou des nomades, et qui quand ils ont des disputes ou des problèmes entre eux, ils ne retournent pas au Coran ni à la Sunna pour juger ou pour trancher dans ces problèmes-là, mais ils retournent à leur tradition tribale, ou à leur coutume, ou à leur tradition, et à leur, des trucs de ce genre, eh ben, dans ce cas-là, ça fait aussi partie de prendre le tarot. Ça fait partie de prendre le tarot comme juge. D'accord? C'est pas juste le tarot comme certains s'imaginent, la constitution occidentale ou les lois des Européens ou les lois des non-musulmans, même si c'est une loi, même si c'est une tradition, même si c'est une coutume, même si c'est des règles inventées par des musulmans mais qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et que ce soit des traditions qui sont appliquées dans des villages ou dans des tribus ou dans des endroits où les musulmans les appliquent qui sont contraires à la charia, que ce soit dans l'héritage, que ce soit dans les règles du mariage, que ce soit dans la façon par exemple de vivre, l'organisation de la société, ou que ce soit dans toutes ces choses qui ont rapport avec la vie et qui ont des règles qui sont clarifiées par l'islam, de juger par autre que ces choses-là, ça constitue de prendre une forme de tarot. Bien sûr, il faut toujours distinguer encore une fois entre qu'est-ce qui est kufr akbar et kufr asrar. Parce que si, tant que quelqu'un le fait mais qu'il ne le déclare pas halal, et qu'il ne croit pas que c'est halal, dans ce cas-là, il n'est pas mécréant, ils ne sont pas de l'islam complètement. C'est un kufr mineur qui ne fait pas quitter l'islam. D'accord? Il faut bien nuancer ici parce qu'il y en a qui ne font pas cette distinction-là parmi les sururiens et parmi les takfiriens, et ils veulent faire sortir de l'islam tous les dirigeants et tous les musulmans qui jugent par autre que la loi d'Allah. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'un musulman ordinaire qui, par exemple, juge dans ses affaires de sa vie personnelle, depuis qu'il juge par autre que la loi d'Allah, il deviendrait mécréant. Quelqu'un qui fait une bid'a, ou quelqu'un qui fait, par exemple, comme je disais hier, quelqu'un qui dit, est-ce que je vais aller vivre au Canada ou aux États-Unis ou en France, ou est-ce que je vais aller faire des études là-bas, ou est-ce que je vais aller vivre là-bas, et quand il veut juger pour savoir la réponse, est-ce que c'est permis ou non, au lieu de demander au ulama du Coran et de la Sunna pour savoir le verdict, il se bat sur ses passions, puis il dit « je vais aller au Canada ». Sans se référer au Coran et à la Sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas jugé selon la révélation d'Allah, il a jugé selon ses passions, et donc il a pris un pas en route, hein, il a pris ses passions comme un juge, et il n'est pas revenu au Coran et à la Sunna. Ça voudrait dire, selon ses takfiriyin, selon ces gens qui font le takfir des musulmans, que lui il est kafir parce qu'il a pas pris le verdict qui vient du Coran et de la Sunna, il a pris le verdict de sa passion, hein, et donc il a rendu halal, hein, ça voudrait dire selon eux qu'il a rendu halal de le fait de venir vivre au Canada et de prendre la citoyenneté canadienne. Mais nous on sait que tant qu'il a compris que c'était pas permis par exemple, ou qu'il a su que c'était pas permis, et qu'il sait qu'il a fait ça parce que il veut avoir, soi-disant, comme il donne des excuses, comme il dit « ah, ben je vais avoir le passeport, parce que si j'ai le passeport canadien, je vais pouvoir voyager, tandis qu'avec le passeport de mon pays, je peux pas aller où je veux, ou bien je pourrais aller travailler par la suite dans un pays musulman, ou je pourrais aller travailler dans le Golfe, ou bien je pourrais, par exemple, envoyer mes enfants à l'école. » Ils ont tous des excuses, hein, et leur intention, c'est jamais de rendre ça halal, de dire que c'est permis, ou de faire le kufr. Donc, le fait de prendre pour juge autre que la charia d'Allah, autre que la loi d'Allah, c'est pas seulement pour les présidents, ou pour les dirigeants, ou pour les chefs d'État, ou pour les lois, ou pour les constitutions, mais même dans notre vie personnelle et dans notre façon de vivre, dans nos choix qu'on fait dans notre vie de tous les jours, il faut juger selon la loi d'Allah. Et quand on juge pas selon la loi d'Allah dans nos choix dans notre vie personnelle, et qu'on suit notre passion ou nos désirs, eh bien, c'est une forme c'est une manifestation de prendre le temps en route comme juge. Mais, comme je disais, le fait de le faire, ça ne veut pas dire qu'on devient nécessairement kafir ou qu'on sort de l'islam. Mais ça devient une forme de kufr mineur, hein. Et ça, il faut faire la distinction entre ce qui est mineur et majeur à ce sujet-là, hein. Il faut retourner donc aux règles, aux conditions, et voir justement comment ça s'applique, et qu'est-ce qui s'applique, et comment le comprendre, tout ça. Donc ça c'est à ce sujet-là. Le chef il dit, il faut donc comprendre que de prendre les règles ou les lois qui sont fabriquées par les hommes, inventées par les hommes, ou les traditions, hein, ou les traditions qui sont implémentées dans les sociétés, et de les suivre, et ben ça fait partie de prendre pour juge le tarout. Il dit il y a des traditions dans les tribus, chez les Bédouins, ils suivent qu'est-ce qu'on appelle As-Sulum. Et As-Sulum, c'est ça, c'est comme des règles établies par la tribu, puis c'est des règles qui sont basées sur des traditions. Et chaque tribu, ils avaient qu'est-ce qu'on appelle un arifa, bien un sage, ou comment on appelle, en tout cas quelqu'un qui le considérait comme étant un sorcier, ou bien pas un sorcier, mais des fois il y a des comment on appelle des marabouts, ou bien des fois c'est juste des devins, des gens qui prétendent connaître l'avenir, mais des fois c'est juste des gens ordinaires, hein, et ils retournent à lui quand ils ont un problème, c'est lui toujours qu'ils retournent voir, et cette personne là il ne juge pas par le Coran ni par la Sunna. D'accord? Donc, le cheikh il dit, tout ça s'est rejeté par l'islam, après la venue du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après la venue du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire de revenir au Coran et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui juge par autre que ce que Allah et son messager ont révélé, en le déclarant halal, alors il a pris comme un pas en route, et il est de celui qui, le cheikh il dit, كل من حكم بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحلا لذلك فإنه طاغوت يجب الكفر به. Toute personne qui prend autre que la sunna, que le Coran et la sunna comme juge, et qui rend ça halal, qui dit que c'est halal de faire ça, alors il devient un طاغوت, et c'est obligatoire de le rejeter et de ne pas croire en lui. C'est pour ça que le cheikh il dit, وَلِهَذَا قَالَ تَعَلَى وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Allah a dit, et ils ont été commandés de le dénier, de le rejeter, de ne pas croire en lui, celui, le Tahout. Après, il dit, oui. Comme juge. Ouais. Et qui croit que c'est permis, qui croit que c'est halal de faire ça, il devient un Tahout. Il devient un tarot, c'est-à-dire il devient parmi ceux qui dépassent sa limite. Et le cheikh il dit, il dit dans le verset وكذلك في قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فالإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت فالكفر بالطاغوت ركن الإيمان فلا يصح أن يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت لأن هذا جمع بين نقيضين والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله وهذا معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله إيمان بالله وكفر بالطاغوت وقولنا لا إله هذا نفي ينفي جميع المعبودات والطواغيت وقوله إلا الله هذا إيمان بالله وحده Le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 256 dans Surat al-Baqarah, c'est le verset qui suit Ayat al-Kursi, hein, il dit il n'y a pas de contrainte en religion et la droiture ou le droit chemin a été clarifié par rapport à l'égarement et la déviation. Donc quiconque rejette le Tahout, il a mécru au Tahout, alors qu'il croit en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Et donc, on sait, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois dans les cours, que de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas valable, excepté après avoir rejeté le Tahout. Si tu dis par exemple, je crois en Allah, c'est pas suffisant, c'est ça que ça veut dire, c'est pas suffisant, t'es pas vraiment croyant, tant que t'as pas rejeté le Tahout. Tu peux pas dire par exemple que t'es croyant en Allah si t'as pas rejeté le Tahout. Donc tu dis par exemple, oui je crois à Allah, mais en même temps je crois à ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou je crois aux lois qui sont révélées, qui sont pas révélées par Allah et qui sont contraires à la révélation d'Allah. Donc si tu dis ça par exemple, ça veut dire que tu crois pas vraiment à Allah parce que tu n'as pas rejeté le Tahout. Donc ça c'est des exemples. Et il y a des gens qui pensent que c'est suffisant juste de dire que tu crois à Allah pour être un croyant, et ça c'est une mauvaise compréhension de la signification de la ilaha illallah. Parce que si tu dis je crois en Allah et je crois au Tahout en même temps, tu as réuni deux choses qui sont contradictoires et opposées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait précéder le rejet du Tahout avant de mentionner la foi. On voit dans le verset, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ en premier, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande, avant même de croire en lui, il faut rejeter le Tahout. Hein, et que ça a précédence à la foi. Hein. Donc, quelqu'un qui dit « La ilaha illallah » et qui n'a pas compris que ça implique que pourquoi Allah tu dois rejeter le Tahout, alors ça veut dire qu'il n'a pas réellement la foi, il n'a pas compris la signification de « La ilaha illallah ». Donc quand on dit « La ilaha », c'est une négation, la même chose. C'est comme le kufr de Tahout, de rejeter le Tahout, c'est une négation du Tahout. Donc quand tu dis « La ilaha », tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, donc tu nies le Tahout. Et après tu affirmes, tu dis « Illallah », donc tu affirmes que seul Allah est celui qui mérite l'adoration, donc tu affirmes ta foi en Allah par la suite. Et donc ça c'est pour montrer que pour que ton témoignage de « La ilaha illallah » soit valable, il faut qu'il comprenne l'affirmation, la négation et l'affirmation ensemble, pas seulement une affirmation. Et pas seulement une négation tout seul, il faut que les deux soient ensemble. L'affirmation et la négation et l'affirmation doivent être ensemble pour que ce soit une foi correcte en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh il dit وَقَوْلُهُ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا بَيَّنَ صلى الله عليه وسلم أن عملهم هذا إنما هو إملاء من الشيطان فهو الذي سول لهم هذه الإرادة إرادة التحاكم إلى الطاغوت هو الذي صور لهم وأملى عليهم هذه الفكرة الخبيثة يريد أن يبعدهم وأن يغويهم وليس ضلالا عاديا بل ضلالا بعيدا عن الحق يبعدهم غاية البعد فلا يكفيه أن يتركهم في مكان قريب لأنهم إذا كانوا في مكان قريب ربما يرجعون ولكن يبعدهم بعدا لا يرون معه الحق أبدا وهذا الذي يريده الشيطان فهو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله لأن الشيطان يريد لهم الشر ويريد لهم لا يريد لهم الخير ولا يكفيه الانحراف اليسير ولا يرضى إلا بالانحراف الكلي والبعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى الشيخ التوسيق que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et le shaitan veut les égarer d'un égarement lointain et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala bayana subhanahu wa ta'ala moi j'ai dit bayana sallallahu alayhi wa sallam mais c'est bayana subhanahu wa ta'ala parce que c'est écrit petit j'avais mal vu bayana subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié que leur action vient leur est dictée par le shaitan qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent le tarot, c'est ça leur est dicté par le shaitan. C'est le shaitan qui leur inspire de faire ça, qui leur donne cette intention et cette volonté de faire ça, de vouloir prendre le tarot comme juge. Et donc c'est celui qui, c'est lui qui leur dicte cette mauvaise idée, cette idée sale. Et ça vous le remarquez, parce que le croyant, le musulman par exemple, quand on parle par exemple de prendre pour juge Allah et son messager. Il y a beaucoup de musulmans, si tu leur dis on va prendre pour juge Allah et son messager, le Coran et la Sunna, ils vont dire oui d'accord, alhamdulillah, quand c'est un jugement qui est en leur faveur. Par exemple, s'ils savent que quand ils vont retourner au Coran et à la Sunna, c'est eux qui vont gagner la cause, parce que dans les règles du Coran et de la Sunna, il y a la loi qui est en leur, les lois et les jugements qui sont en leur faveur, ils disent oui, on croit à Allah et on croit au messager et on juge selon la loi d'Allah. Mais si le verdict de la charia est contre eux, là ils changent de position et tout d'un coup ils veulent se référer à d'autres lois que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se réfèrent pas à la loi d'Allah uniquement parce qu'ils ont une conviction que ça vient d'Allah et que c'est une adoration de juger par la loi d'Allah. Ils se réfèrent à la loi d'Allah uniquement parce que ça convient à leur passion et que c'est en accord avec leurs intérêts. Mais quand ils trouvent le jugement de la charia qui vient contre eux, par exemple, et que ça prouve que c'est eux qui doivent être punis, ou qui c'est eux qui doivent recevoir la réprimande, ou qui doivent être corrigés à cause de cette erreur-là, tout d'un coup, ils se retournent et ils veulent aller juger par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien comme le frère Hamza il nous dit, comme ils veulent essayer de la réinterpréter pour essayer de déformer la réalité de ce jugement-là, pour essayer de le mettre, de faire en sorte qu'il soit en leur intérêt ou en leur faveur. Et ça c'est l'attitude des munafiqins, l'attitude des hypocrites. Et ça c'est facile de faire ça ou d'agir de cette façon-là, même un kafir par exemple, un Canadien. Et c'est bizarre parce que pour les koufars, et même pour certains musulmans, ils n'agissent pas comme ça quand c'est la loi des hommes. Quand c'est la loi des hommes, que ce soit pour ou contre eux, ils acceptent le verdict. Et même quand ils ne sont pas contents, hein, des fois, quand ils ont un jugement à la cour, ils n'ont pas le choix de l'accepter, que ce soit pour ou contre eux, ils l'acceptent. Mais la loi d'Allah, ce n'est pas pareil comme la loi des hommes. Tu ne peux pas dire, je ne suis pas content, ça c'est contre toi. Quand c'est contre toi, ça vient d'Allah, t'es obligé d'être content, même si c'est contre toi. Tu peux pas dire, ah le jugement d'Allah, c'est contre moi, je suis pas satisfait de ce jugement-là. Tu dois être satisfait si t'es croyant du jugement d'Allah, quand c'est contre toi, ça c'est facile, c'est normal, mais quand, même quand c'est pour toi, en ta faveur, tu l'acceptes et t'es satisfait, et quand c'est contre toi, tu dois être aussi content et satisfait, parce que tu sais que c'est la justice qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, si tu reçois un verdict de la charia et que tu es coupable et que c'est toi qui dois être puni, que tu dois recevoir une punition, eh ben si tu es un vrai croyant, tu vas dire « Alhamdulillah, je me soumets et j'accepte ce verdict qui vient d'Allah, le créateur de l'univers. » Même si c'est toi qui vas être puni. Parce que tu dis, ça vient d'Allah, ça vient pas des hommes. Tandis que les lois faites par les hommes ici dans la société, par exemple, si un kafir, il va devant le juge dans la loi canadienne et que le juge lui donne un verdict en sa faveur, il est content. Et si c'est un verdict qui est contre lui, il est fâché. Hein? Hein? Il fait ça dépend. Il peut faire un appel par exemple, si par exemple il y a une erreur, s'il trouve qu'il y a une erreur, ou qu'il y a quelque chose qui a été, le juge s'est trompé ou a fait un faux jugement. Mais si le verdict et le jugement est clair, hein, et qu'il n'y a pas de doute, mais qu'il n'est pas content, il n'est pas satisfait, là, ça revient contre lui quand même. Hein. Et donc, pourquoi je fais ce parallèle-là, c'est pour faire comprendre que, en tant que croyant, en tant que, quand on est musulman, quand on est croyant, notre attitude envers la loi d'Allah, ça ne doit pas être comparable à l'attitude des koufars envers la loi des hommes. Notre attitude envers la loi d'Allah doit être une attitude de satisfaction et de soumission et d'acceptation, hein, par rapport à tous les verdicts qui viennent d'Allah. Comme, donc par exemple, pourquoi il y a souvent des femmes féministes qui se disent musulmanes, qui rejettent par exemple certains verdicts de l'islam? Quand c'est le temps de parler de la situation de la femme, et s'ils trouvent un verdict qui est en accord avec leur passion dans la charia, ils disent « Ah oui, on aime la charia ». Mais quand c'est le temps de juger selon la charia dans certaines questions par exemple, et ils savent que dans la charia le verdict est contraire à leurs intentions, au contraire à ce qu'ils veulent, tout d'un coup ils commencent à s'éloigner, à s'écarter et à chercher autre référence comme juge. Hein. Et il y en a la même chose chez les chizbiyins, chez les gens de Bid'a. Eux, lorsque voient par exemple dans l'islam des choses qui sont en leur faveur, ils l'acceptent. Mais quand c'est une loi ou une règle qui vient en contradiction avec leur chizbi, hein, ou leur Bid'a, ils disent « Ah non, c'est pas bon, on préfère prendre comme juge la loi des koufars. Hein. » Et il se réfère uniquement à la Constitution et aux droits de l'homme. Et vous les voyez souvent revendiquer des choses, hein, au nom de la loi, des droits de l'homme et de la liberté, dans les pays de Kufr en particulier. Et donc ça revient contre eux par la suite. Parce que tu peux pas te baser sur la loi des koufars quand ça fait ton affaire, et puis quand ça fait pas ton affaire, tu reviens par exemple, tu dis non, on n'accepte pas ça. Ils jouent avec ça. Et même il y a des koufars justement, qui dénoncent les Ikhwan et les Hizbiyin à cause de leur attitude comme ça, comment ils jugent. Hein? Et les autres, bon, regardez par exemple le gars qui avait fait la plainte contre mon livre là, dans son site. Un des arguments qu'il a été de mentionner, c'est que soi-disant il y avait un gars, je sais pas qui là, qui avait écrit un article contre les musulmans ou contre l'islam, puis les islamistes, par exemple, l'ont amené en cours, puis ils ont dit que qu'est-ce qu'il avait fait, c'était contre la liberté religieuse ou une diffamation de la religion et tout, et ils ont remporté leur cause et ils ont interdit ces articles qui ont été écrits contre l'islam. Donc, ils disent, ok, quand c'est pour défendre l'islam, ils utilisent les droits et la liberté. Mais quand c'est nous, en disant les laïcs, on veut critiquer l'islam, et on veut parler contre l'islam, ils veulent pas nous donner cette liberté-là, et ils veulent pas nous laisser cette liberté-là de le faire. Oui, c'est ça, attendez, eux ils disent ça. Eux les laïcs, ils disent nous les laïcs, hein. Bon. Alors, eux, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent, pourquoi vous contredisez? Vous parlez de l'islam et vous utilisez la liberté et les droits de l'homme. Puis quand nous on veut critiquer la religion, et ça c'est permis dans les droits de l'homme, et c'est permis par la constitution, ou la liberté religieuse, ou la liberté de conscience, eh bien là vous voulez nous interdire de le faire. Hein. Donc, là, eux, ils ramènent une contradiction. Et nous on dit, en réponse à ça, on répond aux islamistes, chizbiyin, ikhwan et autres, et on répond en même temps aux laïcs, les deux, on leur répond tous les deux en même temps, et on leur dit, nous, on appelle au Coran et à la Sunna et on explique aux musulmans et aux non-musulmans la réalité de l'islam, que vous nous donniez la liberté de le faire ou que vous ne nous donniez pas la liberté de le faire, on le fait quand même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, est-ce que Quraysh lui a donné la liberté d'appeler à l'islam? Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Quraysh par exemple, de dire, permettez-moi d'appeler à la ilaha illallah, sinon je ne vais pas le faire? Et est-ce que les koufars de Quraysh avaient une constitution ou des règles qui disaient tout le monde a le droit d'appeler à ce qu'il veut? Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui lui ordonne de transmettre le message. Et Allah lui dit, بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. C'est-à-dire, ô messager, transmets ce qui t'est venu de la part de ton Seigneur, hein, ce qui est révélé sur toi de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message. Et Allah va te protéger contre les gens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a failli se faire tuer combien de fois? Il s'est fait insulter, il s'est fait traiter de nom. Il s'est fait, combien de fois il s'est fait frapper, lancer des pierres, ils ont fait des tentatives d'assassinat contre lui, combien de fois? Et malgré tout, il a continué à faire sa da'wah. Hein? Et donc, ça veut dire qu'on n'attend pas qu'on nous donne la liberté de faire la da'wah pour qu'on la fasse. Et on n'attend pas que les koufas nous donnent une charte qui nous donne cette liberté, soi-disant, de le faire pour le faire. Et c'est pas parce qu'ils nous la donnent qu'on la fait. Même s'il nous disait que c'est interdit de pratiquer l'islam, on le pratiquerait quand même. Et même s'il nous disait que c'est interdit de faire la salat, on serait obligé de la faire quand même. Et même s'il nous disait que vous n'avez pas le droit de parler de religion, on serait obligé d'en parler quand même. Et même s'il nous disait par exemple vous n'avez pas le droit d'expliquer aux gens la sunna, on le ferait quand même. Et on n'a pas besoin de demander le droit de le faire au nom des droits de l'homme, ou au nom de la liberté, ou au nom de ci ou de ça. On prend ce droit parce que Allah nous le donne et nous ordonne de le faire. D'accord? Ça c'est un point très important que beaucoup de Hizbiyyin malheureusement, ils jouent avec les lois des Kuffar et ils appellent à l'islam en se justifiant, soi-disant, sur les droits de l'homme et de la liberté et de la charte. Et de la liberté religieuse et la liberté de croyance. Ils appellent à ça et ils disent que ça fait partie de l'islam et ça c'est totalement faux. Il n'y a pas de liberté de croyance, de dire ou de croire ou de penser ce qu'on veut dans l'islam si on est musulman. On doit se limiter et, on doit se limiter à ce qui est dans le Coran, dans la Sunna. Et on ne peut pas opposer le verdict d'Allah et de son messager. Hein? Si tu n'es pas capable de pratiquer là où tu es et que tu es capable de faire la hijra vers un pays musulman ou vers un pays non musulman où tu peux pratiquer ta religion, hein, et que tu peux le faire ouvertement sans aucune contrainte, donc là tu es obligé de le faire. Et le cheikh Al-Fawzan il expliquait que d'avoir la liberté de pratiquer sa religion ouvertement, ça ne se limite pas uniquement à pouvoir prier et jeûner. Parce que le cheikh il dit que ça c'est un bien qui revient uniquement à toi-même. Si tu le fais, c'est juste à toi-même. La liberté de pratiquer ouvertement sa religion, quand les ulama ils parlent de qudra, al-qudra ala izhar al-din, il dit, Cheikh Al-Fawzan, que ça, c'est la liberté de dire ouvertement, d'appeler ouvertement à l'islam, de dire ouvertement à propos des ennemis de l'islam, qu'ils sont des koufars, ou bien que leur religion est fausse, ou que ce qu'ils croient est contraire à la vérité. Ils veulent le dire ouvertement sans aucune crainte. Hein, que si tu ne peux pas faire ça et de dire ouvertement ces choses-là et de te désavouer clairement et ouvertement du shirk, du kufr, de la mécréance, de l'égarement et des bid'ah, alors si tu ne peux pas faire ça, c'est là que tu ne peux pas exprimer ta religion ouvertement. Mais juste de dire que tu vas prier, hein, ou que tu vas jeûner et que tu vas pratiquer ta religion à la mosquée, c'est tout, ça c'est pas considéré comme montrer sa religion ouvertement. Et même ça, parfois, on a des difficultés à le faire. Mais c'est juste pour spécifier que si tu ne peux pas dire, par exemple, le chrétien c'est un kafir, ou le juif c'est un kafir, et qu'on t'interdit de dire ça, hein, ou qu'on t'interdit d'appeler à l'islam ouvertement et de dire vos religions c'est des religions de mensonges, hein, ouvertement. Donc dans ce cas-là, c'est considéré comme si on n'a pas la capacité de montrer ouvertement notre religion. D'accord? Donc ça c'est un point important bien sûr, mais sinon, quand le prophète sallallahu alayhi n'avait pas encore eu l'ordre de faire la hijra, et qu'il était à Mecca, et qu'il était, il est resté 10 ans quand même à Mecca avant de faire la hijra, et pendant toutes ces années-là, il a eu de la difficulté, et des problèmes, et même les musulmans, ils se faisaient tuer parfois, ou torturer, ou autre. Et malgré tout, ils ont fait de la da'wah, et ils ont appelé les gens, et ils ont fait du travail pour que l'islam se répande, et ils ont pratiqué l'islam également, malgré les persécutions. Donc ça, c'est pour bien comprendre ce point-là. Donc, on va bientôt arrêter. Le cheikh, il dit, comme je disais, ils veulent, le shaitan qui les a inspirés à prendre le tarout comme juge, et c'est lui qui leur dicte cette mauvaise idée. Et il veut les égarer et les éloigner de la vérité d'un égarement, pas un égarement ordinaire, pas un simple égarement. Il veut les égarer d'un égarement lointain. Hein? Le cheikh, il est clair, il dit ça. Il dit, c'est-à-dire, il veut les égarer de la plus loin, la distance la plus loin possible de la vérité. Hein? C'est pas suffisant pour le shaitan de t'égarer à un endroit proche, hein, de t'égarer à une petite distance là. Non, parce que s'il t'égare juste à une petite distance proche, tu peux revenir. Non, lui il veut t'égarer à une distance tellement loin que c'est fini, tu pourras plus jamais revenir à la vérité. C'est ça le but du shaitan. Donc, le shaykh il dit, donc celui qui, donc c'est lui le shaitan qui éloigne les gens du jugement d'Allah, du Coran et du jugement de la Sunna. Parce que le shaitan il veut pour eux du mal et il ne leur veut pas du bien. Et c'est pas suffisant pour le shaitan d'égarer les gens d'un petit égarement ou d'une petite déviation. Il n'est pas satisfait de ça. Il veut uniquement un égarement total et un éloignement lointain de la voie et du manhaj de Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'égarement lointain, yani, vous pouvez pas imaginer, mais bon, moi j'ai grandi dans cette société-là, dans une famille qui n'était pas musulmane, et je peux vous dire que je pense que je l'ai bien connu, l'égarement lointain, hein, dans le sens que non seulement tu connais pas la vérité, mais tu veux même pas la connaître, hein. Et tu penses que t'es dans la vérité, hein. T'es dans l'égarement, puis tu penses que t'es dans la guidance. Et ça c'est, y a pas d'égarement pire que celui-là. Et quand tu vois les croyants, et tu vois qu'est-ce qu'ils font, tu vois comme si c'est eux les égarés. Et tu t'imagines que toi t'es bien guidé, alors que t'es dans l'égarement. Ça c'est grave. Et c'est comme ça quand on n'était pas musulmans, hein, ceux qui connaissent ceux qui n'étaient pas musulmans, hein. Si quelqu'un par exemple voit un musulman passer devant lui avec la barbe, le kamis et tout, pour lui là c'est comme si il est dans un autre monde, hein. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je me souviens quand on n'était pas musulman, des fois on fait par exemple on a une certaine mode ou certains styles, façon de s'habiller, façon de marcher, des amis avec qui on traîne, la musique qu'on écoute. Et c'est comme si on est enfermé dans un genre de bulle, hein. Oui, on est hypnotisé, on voit plus rien en dehors de ça. C'est pour ça, vous voyez les jeunes, par exemple, qui suivent une mode ou qui suivent ce style ou une sorte de musique et tout, quand ils marchent dans la rue, ils voient juste les gens qui sont de leur catégorie ou de leur style à eux, hein. Et c'est pour ça que les jeunes gagnent aujourd'hui. Si tu te vois marcher avec ton camion, c'est ta barbe et tout, là, c'est comme si tu n'existes même pas pour lui. Hein, tu n'existes pas pour lui, tu es dans ton monde à toi, et lui il est dans son monde à lui. Et c'est comme ça. Dans une chance, oui, alhamdulillah, dans un point c'est une bonne chose de certains points, mais en même temps, c'est un mal pour lui dans le sens que il voit pas que, c'est-à-dire, le message de l'islam, il est loin de lui dans ce sens-là. Il le voit loin, il se sent pas du tout relié à ça, tandis que quelqu'un qui est musulman mais qui s'est éloigné un peu de sa pratique, mais qui connaît un peu l'islam, il voit un musulman pratiquant dans la rue qui passe, il se sent rattaché un petit peu, il dit, il comprend, il dit, ah, je sais d'où il vient celui-là, je sais ce qu'il fait, je sais pourquoi il s'habille comme ça, je comprends un petit peu, hein, parce qu'il a quand même un lien, et c'est pour ça que tu vois les jeunes musulmans qui viennent des familles, même s'ils ne sont pas pratiquants de l'islam, mais que leurs parents leur ont dit, par exemple, l'islam c'est ça, la sunna c'est ça, porter la barbe ça fait partie de l'islam, même s'ils ne le font pas eux-mêmes, mais ils savent qu'est-ce que c'est, quand ils le voient, des fois j'ai eu cet exemple-là, il y a des jeunes musulmans qui sont venus me voir dans la rue, ils disent « Salam alaikum, t'es musulman hein ?» Ah oui, je connais des, j'ai un frère dans mon pays, il pratique l'islam, il s'habille comme toi, oui c'est ça. Je sens qu'ils ont un amour pour l'islam, un intérêt pour l'islam, et ils aiment les musulmans. Tandis que tu vois d'autres jeunes musulmans, malheureusement leurs parents, c'est des gens qui sont loin un peu de l'islam. Donc quand ils te voient, au contraire, eux, c'est comme s'ils s'éloignent. Pour eux, c'est comme quelque chose de mauvais, de négatif. Hein? Allahu a'lam, des fois ils ont vu des mauvais exemples ou des gens de bid'ah qui les ont mal influencés, qui les ont influencés dans le mal. Mais bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis on va continuer ce cours la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, au lieu de le faire après l'asr, notre cours va être après le dhuhr, inshallah, parce que c'est le Ramadan, inshallah, qui va commencer demain. Donc ceux qui peuvent venir après le dhuhr, vous êtes les bienvenus, inshallah, et ceux qui ne peuvent pas à cause des obligations ou des problèmes ou des difficultés ou des préparations qu'ils ont à faire, eh bien, inshallah, l'intention demain, c'est lundi, il n'y a pas de cours. Le cours du mercredi, on va l'arrêter pendant le Ramadan. Après le Ramadan, on va continuer. On va juste faire le cours samedi, dimanche, après le dhuhr, inshallah. D'accord? Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.